On aime, on vous en parle. Ou pas. Vous êtes sollicité en permanence par la parole de l'autre. Pour vous, les mots comme violence brisent le silence et viennent s'écraser dans votre petit monde. France Inter présente « Cause toujours, je n'entends rien », le nouveau film de Lola Durillon. L'histoire de Barthélémy, un adolescent atteint de surdité foudroyante suite à la première remontrance de ses parents, fan de Vincent Delerme, ayant découvert sa passion pour Maître Gims. Le jeune garçon décide, pour se reconstruire, d'apprivoiser une mouette pendant ses vacances sur l'île Dorée. Images contemplatives, bande-son inexistante, cause toujours, je n'entends rien, un film rempli de vide et de silence pour mieux faire taire le bruit de fond assourdissant de votre vie. Cause toujours, je n'entends rien, un film France Inter jamais sorti en salle.